Deuxième temps d'une semaine sur l'Empire ottoman dans la fabrique de l'histoire, alors même que le président turc Erdogan mobilise cette référence historique, l'Empire ottoman, pour appuyer son action politique quotidienne. Hier, l'historienne de l'art Christine Peltre nous a expliqué comment le regard occidental avait mobilisé pour des cartes postales les femmes ottomanes et les dames turques. Demain, dans l'émission d'archives, nous évoquerons la cohabitation et la tolérance religieuse dans l'Empire ottoman. Et jeudi, dans le débat, nous parlerons de la façon dont l'Empire était gouverné. Et aujourd'hui, eh bien, le documentaire, signé Perrine Kervran et Renaud Dalmar, nous rappelle l'occupation du parc Gezi à Istanbul et la façon dont justement l'histoire a été mobilisée en plein cœur de Istanbul aujourd'hui, mobilisé justement pour pouvoir reparler de ce passé lointain de l'Empire ottoman. Un documentaire de Perrine Kervran et de Renaud Dalmar jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire, avec les témoignages et les analyses de Buket Türkmen, de Nora Seni, de Jean-François Pérouse, de Sengiz Attar, de Edem Eldem et de Ragib Duran. C'était comme une guerre ici. Toute la place était une guerre. La police gazait toute la place. Mais c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Tous, nous avons cru que nous serions morts. Mais vraiment, vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas bouger. Occuper le parc Gezi pour sauver les arbres d'Istanbul, mais aussi réapprendre la force du collectif. Et accessoirement, contrer la politique d'Erdogan et l'instrumentalisation de la mémoire ottomane. Istanbul, les manifestations contre le gouvernement, deuxième journée de violence. Intersoir, 1er juin 2013. À l'origine des émeutes, on trouve la reconstruction d'une caserne militaire de l'époque ottomane, projet qui cristallise depuis des mois la colère des urbanistes, des architectes et des écologistes. Les gens ont vu des photos aux médias sociaux, c'est-à-dire sur Facebook et sur Twitter, parce que la télévision ne diffusait rien. Les chaînes de télévision ne diffusaient aucune info sur ce qui se passait à Taksi. Alors j'ai marché parce que je n'ai pas pu trouver de transport public parce que tout le monde marchait vers Taksi. Buket Türkmen, sociologue. Moi, j'habite Beşiktaş, à côté, sur le Bosphore. C'est le commencement du Bosphore. J'ai monté les escaliers, je suis arrivée à Cihangir. On m'a dit d'acheter des masques parce que c'était dangereux de monter à Taksim comme ça. On a acheté ça, on a acheté des casques parce que pour ne pas attraper des balles dans la tête. On essayait de se retirer, mais il y avait une foule énorme, donc personne ne pouvait bouger. Tout le monde était gazé ici, c'était comme un cauchemar. Bonjour Istanbul, manifestation de joie toute la nuit sur la place Taksim au cœur de la ville. La rue a fait reculer le 2 juin 2013. Accusé de répression féroce a dû quitter la place. Jérôme Bastion a suivi ce mouvement de contestation depuis le début. Vous entendrez son reportage. En France, un samedi qui fera date, les premiers mariages homosexuels ont eu lieu dans les mairies. Nous irons à Montpellier où la Gay Pride a lieu. Quand on se promène à Istanbul, on peut croiser la mosquée bleue, ou passer sur le pont de Galata, ou longer le Bosphore. Mais on peut aussi déboucher sur la place Taksim. Cette sorte de vaste no man's land qui ne ressemble à rien, et qui est bordée d'un centre culturel dévasté, transformé en caserne de gendarmes mobiles, et au milieu de laquelle est planté un gigantesque drapeau turc. Après la place Taksim commence le quartier occidental, juste après le monument à la gloire de la République turque d'Atatürk. Cette statue ancre toute la zone dans la laïcité au point que la place est devenue le haut lieu des manifestations de gauche à Istanbul. Mais depuis l'avènement de Recep Tayyip Erdogan, qui a été maire d'Istanbul avant d'être élu président de la République turque en 2014, et de mettre en place une politique autoritaire à tendance islamique, eh bien la place est piétonne et les rassemblements sont interdits. mais traversons la place. Elle est fermée d'un côté par un drôle de petit parc, un peu pelé, avec une fontaine, un datable, quelques allées, quelques arbres, une cage à poules, un toboggan, un petit bar et des marchands de café ambulants. Et dans l'idée de remettre à l'honneur la mémoire de l'Empire ottoman, Erdogan a voulu raser les arbres du parc pour y reconstruire une ancienne caserne destinée à abriter un centre commercial. Seulement voilà, les stambouliotes sont attachés à ce bouquet d'arbres dans une ville bétonnée et tiennent à préserver le millefeuille historique de ce lieu. Alors, au premier arbre arraché, le 28 mai 2013, tout s'est enflammé. On a laissé le Bosphore derrière nous, on est donc remonté, on a le pont de Galata loin derrière nous, on remonte dans la partie occidentale d'Istanbul et en fait on prend l'avenue Istiklal qui est très longue et qui remonte jusqu'à la place Taksim. Et donc cette avenue Istiklal, il y a beaucoup de boutiques, de restaurants, donc c'est une avenue très vivante. Il y a à la fois des touristes et des stambouliotes, c'est un lieu de promenade. Il y a des galeries. Et donc on arrive sur la place Taksim. En fait, il y a une manière historique de voir cette place. Nora Cheny, historienne. Avant cette place, quelle était la place réelle et emblématique de la rue Istiklal. Tout ce quartier de Galata Pera est bâti sur une ancienne colonie génoise du XIIIe siècle. C'est une colonie à laquelle Mehmet le Conquérant a autorisé la survie. Et au XIXe siècle, ce quartier s'est transformé en un lieu cosmopolite en ceci. Cosmopolite, c'est pas juste culturel, mais voilà, c'était le quartier occidental, le quartier européen par excellence. Et alors que les autres quartiers de la ville sont des quartiers ethniques religieux, la population est en majorité soit grecque, soit musulmane, turque musulmane, soit juive, soit arménienne. Et c'est le principe de l'agglomération, si vous voulez, une population qui s'installe autour des lieux de culte. Et ce sont des quartiers où toutes les strates économiques de la société coexistent. Au XIXe siècle, les familles qui ont un niveau de revenu plus élevé vont venir dans le quartier strictement occidental, c'est-à-dire dans ce quartier-ci où sont construites les ambassades, les représentations diplomatiques. Mais au XIXe, les ambassades de la France, l'Angleterre construisent des bâtiments luxueux à la mesure de l'influence de ces pays sur l'Empire ottoman. Et donc, ça devient un quartier riche, hein, avec des banquiers, des négociants de toute nationalité et de toute obédience religieuse. Donc voilà une ville occidentale. Fin 19e, début 20e, ça sera un peu un lieu de perdition pour la population musulmane. Et donc ça va être les hommes et les femmes ensemble, n'est-ce pas, avec qui consomment de l'alcool, etc. Donc c'est beaucoup de jeunes femmes arrivant d'Europe, etc. C'est un lieu antithétique et un lieu de perdition. On a l'avenue Istiklal derrière nous et on est arrivé donc au centre, peut-être pas vraiment au centre, mais à un point qui est important sur la place Taksim, qui est l'endroit du monument qui qui glorifie la République turque, donc avec d'un côté Mustafa Kemal en habit et puis de l'autre côté Mustafa Kemal en soldat avec sa troupe, avec des femmes, avec des enfants dans les bras, des chevaux, des armes. Donc on a vraiment les deux faces de la République qui sont représentées sur ce monument qui a été inauguré en 1926. C'est un livre qui raconte l'histoire de la place Taksim. Voilà, l'histoire de la place Taksim et qui donc donne à voir. Hein, voilà, vous voyez la place en 1926, c'est l'inauguration du monument. Jean-François Pérouse, urbaniste. La place n'existe pas vraiment, hein, mais c'est un des éléments qui va contribuer à la structurer. Autour, voilà, en fait, de ce monument. Place qui n'a jamais vraiment existé comme place. Hein, en tout cas dans le sens où on peut l'entendre en Europe occidentale, hein, puisque c'était des petits éléments, mais c'était plus des ronds-points qui étaient traversés par une circulation automobile. Et donc là, on voit les gens, effectivement, sont tous en costume occidental, pratiquement. Voilà. Les chapeaux, des canotiers. Voilà, et dans les années, hein, la fin des... Donc ça a été vraiment effectif, c'est-à-dire cette décision de Mustafa Kemal d'occidentaliser, le costume, le mode de vie. Formellement, voilà. Formellement, ça a été... Dans le costume, dans le... dans l'alphabet. Hein. Donc vous avez la fameuse caserne. Hein. Donc là, on est à la fin des années 20. Hein. Voilà, donc là, on voit effectivement... C'est une photo prise d'avion. Hein. Voilà. Donc on voit la caserne, le vaste terrain d'entraînement qui a servi de terrain de football pour l'équipe nationale dans les années 20 ou 30. Exactement. Hein. Le premier match de l'équipe nationale contre la Roumanie. Et là, on voit la... destruction de la caserne. Donc on voit, Donc on a un grand terrain vague au milieu de la ville. Et donc là... C'est le début de la promenade. Le début du parc. Voilà. Ce parc, c'est un lieu de passage. Il y a des allées qui circulent à l'intérieur. Chaque allée donne sur un extérieur. C'est un parc qui est un lieu de passage. Il a été composé par Henri Prost à l'occidental. Et ce qu'on évoquait, cette continuité, on avait un ensemble qui est beaucoup plus vaste que l'ensemble... actuel. Et donc là, on voit des manifestations. Donc ça, c'est ce fameux moment, 1977, hein, où affaire qui n'a jamais vraiment été élucidée. C'est toujours pas qui a tiré sur la foule. Non. 22h. Intersoir 3e, François Foucard. En fin d'après-midi, au fil des dépêches que nous recevions, une constatation, un 1er mai fêté partout, avec beaucoup de monde, des démonstrations populaires, avec défilés, meetings... Mais dans la dignité, pas d'incident. Et puis, vers 20h, on apprenait les graves incidents d'Istanbul, en Turquie. La Confédération des syndicats révolutionnaires avait appelé à une manifestation. Des coups de feu ont éclaté, tirés, semble-t-il, du toit d'un immeuble situé sur la place où se déroulait la manifestation. Non seulement ces coups de feu ont fait plusieurs morts, mais ont déclenché de violents incidents entre tendances différentes. Et au total, on compte ce soir au moins 32 morts et une centaine de blessés. C'est un groupe extrémiste de style maoïste qui aurait tiré les premiers coups de feu, déclenchant une bagarre générale. Outre les morts et les blessés, on signale des voitures saccagées, des magasins pillés. Le Conseil des ministres est actuellement réuni à Istanbul. Fort heureusement, le 1er mai dans le monde n'a pas été marqué par de tels incidents. Il s'agissait de la fête du travail et l'on a vu un peu partout défiler. La place Taksim, ça a été justement la scène d'une fête de 1er mai sanglante. Donc ça reste gravé dans la mémoire syndicale, en tout cas. Chengiz Akhtar, journaliste. C'est vrai qu'il y a cette volonté maintenant de contrôler, de gérer, d'aménager, de réordonner un peu le tout, qui est le propre de pouvoir de Premier ministre. Alors pour cela, il vient de créer deux emplacements tout à fait nouveaux qu'il a fait gagner sur la mer. Et maintenant, l'oukaz est de dire, eh bien, il y a un seul endroit pour se réunir à partir d'aujourd'hui, c'est cet emplacement réservé. Vous pouvez aller gueuler, faire ce que vous voulez là-bas, mais pas ailleurs. Donc on décide d'un endroit pour les manifestations. Voilà. La place Taksim est un lieu à millefeuille symbolique. Nora Chény. Il y a un monument. C'est un monument qui... Qui a la gloire de d'Atatürk et à la gloire de la République. Les manifestations des fêtes républicaines se faisaient ici. Ce n'est plus le cas. Moi, enfant, j'ai paradé avec ma classe quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, le 23 avril, qui est la fête des enfants, la fête républicaine des enfants. Donc, deuxième couche de symboles. Troisième couche de symboles, ce lieu était sur ce parc, on avait un cimetière arménien. Et puis, il y a eu une caserne militaire qui a été rasée au moment du projet Prost. Henri Prost est venu à Istanbul, invité pour une planification urbaine. Et à compter de la place Taksim et vers le nord de la ville, il a élaboré tout un projet, un plan, une coulée verte, en fait. Et ce parc est ce qui reste de cette coulée verte. Et donc, c'est un symbole aussi de la modernité post-républicaine, avec des avenues, des larges avenues, dans une citadinité sobre et retransformation début de 2000, les années 2000, 1990-2000. Et alors là, il y a un nouveau courant. Les grandes familles, les businessmen turcs, se mettent à avoir des collections d'art et fonder des musées. Des musées, des lieux culturels, des galeries d'art. Et puis, il y a cette tradition qui s'est maintenue, qui est une tradition de lieux récréatifs, où les hommes font halte avant d'aller de rentrer chez eux, boivent un coup. Ici, c'est le raki, parlent avec les collègues, etc. Les femmes ont commencé à être très, très présentes dans ces lieux-là. Donc, ce sont des lieux de mixité en termes de genre, et de mixité sociale aussi. Et le gouvernement, le Premier ministre en tête, est déterminé à enlever à cette place l'ensemble de ces symboles. Ils avaient déjà commencé à abattre certains arbres. C'était l'aboutissement d'un processus assez long, en fait. Chengiz Aktar. Qui est parti de l'oukaz du Premier ministre, qui voulait absolument raser tout ici et y construire la réplique d'une caserne qui avait été construite là-bas à l'époque, dans les années 1820-30. Donc les citoyens, enfin les habitants de Taksim se sont mobilisés bien avant le début des événements. Ils ont créé des plateformes, des structures, voilà, totalement informelles pour faire pression sur l'autorité locale. Mais en Turquie, l'autorité locale est le Premier ministre. Hein, donc il décide de tout, donc il veille à ce qui se passe. Et au moindre mouvement de masse, il ferme, il bloque le parc. L'enjeu, c'était précisément d'injecter, de dérépublicaniser en quelque sorte l'économie symbolique. Jean-François Pérouse. De modifier les équilibres en ottomanisant, en jouant sur d'autres. Il y a très clairement, à travers certaines reconstructions, à travers la transformation urbaine, une volonté d'écrire une autre histoire, quoi, en la simplifiant, en simplifiant le moment ottoman et en l'exaltant. Hein. À l'heure actuelle, il y a 250 dossiers qui ont été déposés pour reconstruire des bâtiments qui ont disparu, datant de l'époque ottomane, hein, mais qui ont disparu depuis dans des décennies. Dans l'ensemble d'Istanbul, dans l'ensemble du département d'Istanbul. Hein. Et toutes périodes confondues. Alors, c'est un amalgame incroyable entre toutes les périodes, parce que l'Empire ottoman, c'est un long moment, hein, donc on ne peut pas réduire à un style, qu'on peut pas, mais enfin, néanmoins, c'est un peu ce qui est fait. Donc voilà, il y a ce projet global, hein, avec des ambitions très claires en termes d'image, en termes de tourisme international. Je vais être un peu plus cynique. L'objectif premier était de bâtir un centre commercial. Edem Eldem, historien. C'est-à-dire de rentabiliser un espace, de recycler un espace à peine vert, parce qu'il faut quand même reconnaître que la promenade de Gimnesi, c'était pas le parc Monceau, c'était pas le jardin du Luxembourg, c'était très rikiki. Hein, je veux dire, ça l'est toujours d'ailleurs. Donc c'était un désir de recycler un espace urbain que l'on jugeait plus ou moins marginal en y établissant un des temples du néolibéralisme tel qu'il est pratiqué en Turquie aujourd'hui, c'est-à-dire un centre commercial. Et de ramener, je crois que c'est secondaire, saveur de l'Empire ottoman, quand c'était surtout du business. Il ne s'agit pas, à mon avis, essentiellement de, disons, refaire vivre la tradition architecturale ottoman, une part de cette entreprise, mais toute l'économie politique du gouvernement de l'AKP est basée sur la construction. Raghib Duran, journaliste. Essentiellement sur des constructions illégales et illégitimes, à savoir des gratte-ciels un peu partout, qui va contre l'esthétique, par exemple, de cette ville millénaire, 5 millénaires même, hein, Istanbul, qui masque la grande mosquée de Soliman le Magnifique. Mais c'est uniquement la construction, le bâtiment, construction de tout genre de bâtiments et puis des autoroutes que l'AKP et les proches de l'AKP se sont enrichis. Mais c'est essentiellement, leur survie dépend du secteur du bâtiment. Le jour où il n'y aura plus de bâtiments, la force politique et toute la richesse de l'AKP risquent d'être annulées. On voit un peu également l'esthétique de tous ces nouveaux bâtiments. Malheureusement, ils ne sont même pas des reliques de l'architecture ottomane. On n'a pas les plans de la caserne en question. Chengiz Akhtar. Donc, ils allaient inventer un truc bidon que j'appelle, moi, le Disneyland ottoman qui ne correspond absolument à rien. Et en plus, les photos qu'on a de cette caserne-là, c'est du style néoclassique du début du 19e, donc pleine renaissance ottomane, enfin renaissance, occidentalisation ottomane, et qui est dont l'architecte était très occidentalisé. Il y avait des oignons un peu à la façon de Kremlin, etc. Donc sur les photos, donc ça n'a rien de ottoman en tant que tel, oriental si vous voulez. C'est tout à fait incohérent avec Nora Cheney. Ce que les Américains, les Anglais appellent le narrative, le récit qu'on a de l'histoire récente turque. Où le récit des républicains, c'est voilà, tout a changé à partir de la République, la grande rupture et la fin de l'Empire ottoman, le début de la République turque. Et le récit de l'AKP, de ce gouvernement, c'est de sauter à pieds joints sur cette rupture-là et de lier la condition de la Turquie contemporaine à l'Empire ottoman, mais en ce qu'elle avait de plus glorieux et conquérant, bien sûr. Suleiman est magnifique. Voilà. Donc le reste, ce lien-là. La question que je me suis beaucoup posée était la suivante. La population conservatrice musulmane et la population, on va dire, laïque occidentalisée ont des modes de vie différents et des lieux dans la ville différents. Est-ce que cela est amené à converger ? Ou pas ? Ou est-ce que la différenciation et la divergence va s'accentuer ? Et en fait, il n'y a aucune raison pour que ça ne converge pas. Il n'y avait aucune raison pour que... C'est genre, tout le monde fait ses courses chez Ikea, dans les centres commerciaux, regarde les mêmes séries télévisuelles, et communie devant les mêmes récits et les mêmes emblèmes, les mêmes symboles, etc. Ça ne peut que converger, et c'est, j'incrimine là la politique de Erdogan personnel de mener une politique de divergence et de polarisation, consciente, élaborée, et qui ressort lorsque justement le nous et le eux n'est plus n'est plus palpable. Et il donne du « nous » et du « eux » en veux-tu, en voilà. Vers 16h, après quasiment 36 heures de siège, la police a subitement déserté la place de Taksim, non sans lancer quelques dernières rafales de gaz lacrymogène, et immédiatement, une foule immense a pris possession des lieux. Une heure plus tard, des nouvelles détonations retentissent sur la place de Taksim, envahies de monde, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des bombes, ce ne sont pas des gaz lacrymogènes, ce sont des feux d'artifice. Qu'est-ce que vous faites sur la place ici ? Le premier jour, j'étais à Gezi Park pour participer au sit-in, et après, j'ai rejoint mes amis pour venir ici à la place Taksim pour participer à ce mouvement. Il s'agit d'une protestation contre les décisions totalitaires du gouvernement. Et la foule crie d'un seul cœur, Hukumet Istifa, démission, gouvernement. Disons, c'est le début de la fin, peut-être, parce que là, c'est la première fois qu'en Turquie, vous avez tellement de foules qui vraiment se sont mobilisées, à part le 1er mai. Sincèrement, il s'agit ici d'une expression d'une indignation dans un processus de démocratisation de la Turquie dont je suis vraiment fier. Et la police n'est toujours pas revenue. Toute cette nuit, d'ailleurs, la place Taksim a résonné des manifestations de joie. Bouquet Turkmen, on est là sur la place Taksim à Istanbul. À notre gauche, on a l'avenue Istiklal et le monument de Atatürk, de l'indépendance. On est devant l'ancien bâtiment d'opéra que l'on appelle AKM et qui est devenu maintenant une caserne pour la police, comme vous voyez. En fait, tout ça, c'est toutes ces polices que vous voyez sur la place et la conséquence de Gezi, malheureusement. Le 30 mai, 2013, on nous a fait un appel sur le média social, sur Facebook et Twitter, en disant que on va démolir le parc. Il y avait quand même un mouvement de défense du parc qui avait duré depuis un an. Et moi, je participais de temps en temps, mais pas vraiment. Seulement, je suivais de loin. Quand on a fait cet appel, on était vraiment énervés parce qu'on avait compris qu'ils avaient déjà commencé à couper les arbres sans avoir la permission des tribunaux. Alors on est allé, on les a joints le 30 mai et c'était comme une fête le soir du 30 mai. Tout le monde était là, les gens des différents groupes, les individus qui étaient venus pour la solidarité d'une manière individuelle. Et on était réunis là, on a fait une sorte de fête si vous voulez, une manif. Et après, moi j'avais quitté la place, disons, après la minuit, disons vers une heure. Et le lendemain matin, je me suis réveillée avec l'appel d'une amie qui m'appelait en pleurant, en disant qu'ils avaient brûlé les tentes. La police était venue, ils avaient brûlé les tentes parce qu'on avait campé. Il y avait des manifestants qui avaient campé pour surveiller les arbres. Alors, ils avaient brûlé les tentes, ils les avaient chassés du parc et on a décidé de les joindre aussi le lendemain, c'est-à-dire le 31 mai. Le 31 mai, c'était le commencement des grands événements. Ferghazi, c'est devenu un peu le symbole d'un mode de gestion de la ville qui devenait... Jean-François Pérouse. Insupportable à une partie restreinte de la population, mais une partie éclairée, une partie qui avait accès aux réseaux sociaux, qui avait accès aux réseaux internationaux. Donc, réaction contre ces transformations urbaines qui sont menées de manière peu consultative et contre ces grands projets. Donc en fait, c'est devenu le symbole d'une certaine gouvernance urbaine qui devenait insupportable, opaque, très court terme, provocatrice aussi, parce qu'il y a aussi de la provocation dans l'attitude du gouvernement. Et voilà, les choses se sont enchaînées. Donc d'abord une intervention de la police municipale, ensuite la police, en fait, etc. Et c'est devenu une affaire d'honneur de part et d'autre. Et ça un petit peu dérapé. Le problème, je crois, c'est que mis le feu aux poudres, le premier mouvement Gezi était un mouvement plutôt écologiste, plutôt vert, très ouvert à toutes sortes de libertés. On y voyait des drapeaux arc-en-ciel comme des drapeaux kurdes, etc. Donc c'était vraiment très, très, très ouvert et très encourageant de ce point de vue. Mais une fois que ça s'est ouvert à une... C'est devenu une sorte de mouvement de protestation beaucoup plus généralisé, le gros du mouvement a été piraté en quelque sorte par la vieille garde, par le par les républicains, hein. Les républicains kémalistes. Et on ne voyait plus vraiment d'arc-en-ciel, mais plutôt le drapeau rouge, le portrait d'Atatürk, etc. Et dont le cheval de bataille était un anti-AKP-isme de base. Parce que si vous prenez la majorité de la population d'Istanbul, je pense qu'ils ne voient pas de mal à ce qui est fait en matière d'urbanisation. Dans les jours qui ont suivi, il s'est formé quand même une sorte de camp au parc. Et dans le parc, il y avait toujours, pendant une quinzaine de jours, il y avait cette occupation. Donc c'était une sorte de camping ici. Bouquet turkmène. Occupy ici, c'était ça le mouvement. Et on ne permettait pas les drapeaux des partis politiques. Mais quand vous sortiez du parc, quand vous vous trouviez sur la place de Taksim était pleine des drapeaux de toutes les organisations de gauche. Bon, c'était l'occupation et du parc et de Taksim à la fois. Il y avait des portraits d'Atatürk aussi, mais il y avait aussi des portraits des militants de gauche, des activistes de gauche qu'on avait... que l'État turc avait pendu, avait exécuté aux années 60. Donc c'était toute la place de Taksim était devenue, si vous voulez, une temple de la gauche, y compris le parc. On a fait une commune ici, c'est-à-dire le système économique qu'on avait construit, qu'on avait fondé, n'acceptait pas la circulation d'argent. Il n'y avait pas d'argent ici. Donc on arrivait... Moi, j'arrivais toujours avec des produits, avec des choses à distribuer, comme parfois des masques aussi, des masques à gaz, des casques, des vêtements, parce qu'on avait fondé une cantine ici, et on distribuait, quand vous aviez besoin de quelque chose, vous alliez là-bas, il y avait la pharmacie, il y avait la cantine. Et c'était installé où dans le parc ? C'était plutôt au milieu. Donc là, on est à l'entrée du parc. On a monté les marches, on est sur l'esplanade qui est à l'entrée du parc. C'était à côté des soins médicaux parce qu'on avait aussi fondé... Une infirmerie. Voilà, une infirmerie avec des médecins qui étaient venus là, qui n'allaient pas à l'hôpital, si vous voulez. Ils étaient venus ici pour donner du soutien. C'était vraiment une parenthèse pour tout le monde. Il y a déjà 70 personnes en garde à vue, une dizaine de blessés, dont deux grièvement. 11 juin 2013. Et les policiers qui commencent à rentrer à l'intérieur du parc Gezi. Et pourtant, les haut-parleurs de la police continuent à diffuser les mêmes messages. On ne vous fera pas de mal, on veut juste vous faire partir. L'opération a été commentée à distance par le Premier ministre Erdogan. Il s'est exprimé à Ankara devant le Parlement. À propos de la destruction de ce parc Gezi, l'écologie a été instrumentalisée de manière illégale pour nuire au pouvoir démocratique. En fait, il n'y a pas plus écolo que nous. Voilà ce qu'explique le Premier ministre. Il veut rester ferme, il parle d'un coup dur porté à l'économie. Et puis dans le même temps, le gouvernement affirme qu'il va y avoir une rencontre avec les leaders de la contestation. Il donne une liste de 6 personnes, une liste bidon pour les opposants. Une provocation qui continue de mobiliser les foules. Ici, plusieurs milliers de personnes continuent de se rapprocher de la place Taksim et une grande manifestation est toujours prévue à 19h. Imaginez cet endroit couvert des tentes, mais partout des tentes. Des tentes et des gens partout. On se réunit, on fait des forums. Bouquet turkmène. On fait des concerts de temps en temps. On était tout le temps en train de discuter dans les tentes. Et on essayait de fonder quelque chose, de fonder, si vous voulez, quelque chose de politique. Quelque chose qui servirait à faire entendre notre voix. La seule chose commune qui existait, c'était être contre le gouvernement et contre le système politique qui était en vigueur. mais on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on voulait de commun. Il y avait des kémalistes, il y avait des marxistes, il y avait des musulmans anticapitalistes qui étaient aussi contre le gouvernement islamiste. Ce n'était pas organisé. C'était aussi, ça intégrait aussi les individus non organisés. Ceux qui n'étaient jamais sortis dans la rue pour manifester étaient au parc. Ça s'appelle « Rester droit dans ses bottes » à Istanbul, Sébastien Lejoux. C'est un Premier ministre inflexible qui s'apprête à revenir en Turquie. Dans une conférence de presse donnée depuis la Tunisie, Tayyip Erdogan a balayé d'un revers de la main toute possibilité d'annuler le projet d'aménagement de la place Taksim à l'origine des troubles. « Nous ne permettrons pas à une minorité de dicter sa loi à la majorité », a-t-il dit, une sévérité qui inquiète Atarai, il manifeste depuis le début. Il insiste donc. Il dit « Voilà, c'est moi qui décide, c'est moi qui vais faire ce que j'ai envie de faire ». Ça, je trouve vraiment dommage. Ce qui va se passer maintenant, les gens ils vont réagir encore plus vif. Je pense que ça va devenir pire en pire, quoi, si ça continue comme ça. Il a essayé en tout cas de supprimer les deux lettres TC, Türkiye Cumhuriyeti, la République turque, de la façade des mairies et de tous les bâtiments de l'État. Ce n'est rien d'autre qu'un néo-sultan dans une république qu'il essaye d'abattre pour lui permettre d'appliquer sa politique ultralibérale. Ce n'est pas un empire militaire, maintenant ça va devenir un empire économique. Et est-ce que vous avez l'impression que les gens avaient conscience aussi que pour Erdogan, un des enjeux, c'était d'effacer justement toute l'image républicaine de ce quartier, de ce parc, qui était un parc qui a été dessiné, pensé, construit pendant la République par un Français. Cette place qui est aussi un bastion de la gauche, et puis ce quartier qui est un quartier, le quartier occidentalisé, pour finalement mettre à la place des symboles de l'Empire ottoman. Est-ce que ça, c'était quelque chose dont les gens avaient conscience ? Pas tellement, parce que tout ce qu'on pensait, c'était d'être contre la domination des centres commerciaux. Et pour nous, la caserne, ça, c'était le symbole de l'Empire ottoman, mais en même temps, c'était le symbole du néolibéralisme, c'est-à-dire des centres commerciaux qui dominent toute notre vie sociale. Et pas tellement un mouvement contre l'islam ou contre l'islamisme. Bien sûr, tout le monde avait un point commun, c'était être contre AKP. Mais être contre AKP, c'est pas exactement comme on le voit de la France. Être contre AKP, c'est aussi être contre le néolibéralisme d'AKP. Et c'est pour ça aussi, parce qu'il y avait des musulmans anticapitalistes aussi ici. Il y avait des femmes voilées qui pratiquaient leur prière, leur namaz tous les jours. Et des gens de gauche, pour la première fois dans leur vie, ils se sentaient obligés de protéger leurs sœurs musulmanes pendant qu'elles faisaient leur prière. Pour que la police n'attaque pas. Donc c'était une sorte de solidarité contre le néolibéralisme de Erdogan. Erdogan, c'était pas uniquement islamiste, c'était islamiste libéral, si vous voulez. Et c'était ça qui nous dérangeait, en fait. La Turquie n'a pas, je dirais par exemple comme la France, cette tradition d'opposition, cette tradition de révolte. Ragip Duran. Déjà depuis 1984, il y avait une opposition en Turquie, à savoir l'opposition kurde. En plus, une opposition politique et une opposition armée. Un des instigateurs du parc Gezi, ce fut un député du parti kurde, un député turc du parti kurde, Süreyya. Il y avait également les kurdes, les jeunes kurdes. Donc il pouvait y avoir une certaine coalition entre une opposition armée organisée avec un leader Öcalan et puis une opposition complètement nouvelle, formée des cols blancs, très bien éduqués, très bien formés, riches, la petite et la grande bourgeoisie. Ça s'est fait avec le temps. La partie occidentalisée. Aussi, oui, bien sûr. Qui, un peu anarchiste, qui n'est pas organisé, qui ne veut pas être organisé, qui ne connaît pas de chef, qui ne veut pas de chef, mais qui a montré vraiment une solidarité exceptionnelle, très extraordinaire. Gezi, à mon avis, est un mouvement de mentalité. Le mouvement Gezi, c'était aussi un mouvement des femmes. Et à la suite de Gezi, il s'est formé aussi des forums des femmes dans les parcs. Parce que justement, les femmes, elles avaient pas mal intervenu dans les manifestations qui prenaient place pendant l'occupation. Et comment elles intervenaient? Par exemple, les manifestants hommes, ils utilisaient trop de jurons contre la police. Alors les groupes féministes intervenaient pour interdire le juron, l'utilisation du juron. Et le slogan fréquemment utilisé, c'était « Résiste avec obstination et non pas en jurant ». Et donc, les hommes aussi ont adopté ce slogan. Ils ont commencé à faire attention à ne pas humilier les femmes, les organes reproductifs des femmes, en jurant. Et aussi, les prostituées étaient aussi tout le temps humiliées dans ces jurons, alors que les prostituées étaient ici, avec les autres occupants, elles aussi. Elles avaient contribué à l'occupation. Et c'était la première fois que les féministes pouvaient intervenir à un mouvement mixte comme ça. Et elles étaient devenues en quelque sorte des leaders de ce mouvement. Je pense que Gezi a aussi contribué au mouvement des femmes pour le développement de la conscience féministe et de la subjectivité de la femme, si vous voulez. Et c'est la première fois aussi que les gens ont dû être compagnons de route avec les féministes, parce que pour beaucoup de gens en Turquie, les féministes, c'était quelque chose de bizarre, si vous voulez, un acteur qu'on respectait mais qu'on connaissait pas trop, alors qu'ils ont dû lutter contre la police avec les féministes. Et donc maintenant, les féministes se sont entre guillemets normalisées aux yeux de la grande population. Il est 7h03 sur Inter, la Turquie aussi à la une encore ce matin. 12 juin 2013. Oui, après une nuit d'affrontements à Istanbul, police anti-émeute contre manifestants, la place Taksim, théâtre de la lutte. Au 12e jour de mobilisation, le Premier ministre Erdogan reprend la main. Aucune tolérance pour le mouvement, prévient-il. Difficile dans ces conditions de croire à sa promesse de dialogue aujourd'hui. Récit de la nuit, Antoine Gignot à Istanbul. Au milieu du nuage de gaz lacrymogène, des dizaines de détonations éclairent la nuit et les arbres du parc Gezi. Parmi les manifestants, c'est la panique. Ils nous tirent dessus, à hauteur du visage. Ils ont envoyé les blindés anti-émeutes. On est victime d'une violence incroyable. Il faut que la presse internationale en parle. Ils sont venus nous chercher, ils nous ont brutalisés pour nous forcer à sortir. Moi, on m'a donné des coups de pied. Juste à côté, Goulia, 28 ans, s'est assise par terre, incapable de bouger. J'arrive plus à ouvrir les yeux, explique-t-elle. J'ai la gorge qui brûle, mais je resterai ici jusqu'au bout. Ma fille de 2 ans est à la maison, mais moi je bouge pas d'ici. Et pourtant, face à la gigantesque vague de policiers, les manifestants se replient dans les ruelles. Ils lancent des cocktails Molotov et des pierres. Il y a des interpellations et plusieurs dizaines de blessés. Iklim est franco-turc, elle a du mal à réaliser. C'est énorme, je pense que c'est une politique suicide ce que fait le Premier ministre ici. C'est lui qui provoque le peuple d'être en guerre civile, quoi. Et Iklim promet de revenir le plus vite possible, même si ce ne sera pas facile. Dans la nuit, le préfet d'Istanbul a fait une déclaration choc à la télévision. Toute tentative destinée à détruire notre futur ou notre unité sera désormais écrasée. Bouquet Turkmène, on est revenu au centre du parc. Peut-être il faut évoquer aussi la question des blessés, des morts pendant ces affrontements dans le parc Gezi, sur la place Taksim. Oui, pour que les gens aient une idée de la violence qui s'est passée ici, parce que c'est pas que des bons côtés qu'on a vécu. Bien sûr, pendant les affrontements avec la police, c'était comme une guerre, comme je vous ai dit. Donc il y a eu malheureusement 8 morts dans toute la Turquie, c'est pas uniquement à Istanbul. Parce que cette résistance s'est aussi diffusée dans d'autres villes de la Turquie, aussi à Ankara, à Eskişehir. Ali İsmail Korkmaz, il était à Eskişehir, à Hatay, Antakya. Il y a eu un mort à Ankara, il y a eu Ethem Sarısülük qui était mort. Et à Istanbul, il y a eu le dernier, disons, shahid, martyr de Gezi, c'est un petit enfant de 14 ans, Berkin Elvan. Il avait reçu une balle à la tête pendant la résistance, pendant qu'il sortait de chez lui à Okmeydanı, qui est un quartier à Lévis. Les Alevis, c'est aussi une population très importante du Gezi, de cette résistance. Alors les Alevis, c'est un groupe religieux, c'est un secte, et bon, c'est un secte, disons, minoritaire, mais ils ne sont pas très minoritaires, vu qu'il s'agit de 20-25% de toute la Turquie. Donc c'est une minorité importante. Et ils se sentent aussi touchés par les politiques de AKP. Et traditionnellement, si vous voulez, ils sont en général à gauche, les Alevis. Et ils étaient des acteurs très importants de Gezi. C'est à cause de ces Alevis que nous avons appris comment construire des barricades à partir des poubelles, par exemple. Nous n'avions pas cette culture. Les gens de la classe moyenne n'avaient pas vraiment la culture de résistance. Alors que les Alevis qui venaient des quartiers populaires, ils avaient cette tradition d'affrontement avec la police. Et ils nous ont appris comment faire des choses. Et donc, les Alevis, il y a eu... C'est un hasard, peut-être. Mais c'est très pénible de le dire. Tous les morts sont Alevis. Ils se battaient devant... avec la police. Mais ce petit enfant, il sortait de chez lui pour acheter du pain et il a reçu cette balle à la tête. Et voilà, il était au coma pendant plus de 160 jours et après il a perdu la vie. Et c'est devenu une deuxième Gezi en quelque sorte, sa funéraille, parce qu'il y avait des millions de gens et c'était vécu comme le deuxième Gezi. En fait, cette funéraille, et on nous a gazé aussi après la funéraille. C'est le côté triste de Gezi. Au début du mois, c'est en Turquie que l'on manifestait en masse. À l'origine, la contestation, souvenez-vous, d'un projet immobilier. Eh bien, un tribunal administratif vient d'annuler ce projet de rénovation de la place Taksim à Istanbul. Il a jugé que le projet violait les règles de l'urbanisme et portait atteinte à l'identité du lieu. C'est évidemment un gros revers pour le Premier ministre Erdogan qui est venu à bout par la force du mouvement de contestation. Je pense que c'est comme le mai 68. On ne peut pas voir les conséquences de tels événements à court terme. Donc, ce que je constate en tant que sociologue, c'est que les gens, pendant et après Gezi, tout au long de ce processus, ils ont commencé à croire en leur capacité d'action. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant en Turquie. En Turquie, c'est difficile d'être acteur, si j'ose dire, parce que soit vous dépendez d'un certain groupe et qu'on vous respecte, soit vous êtes nationaliste, l'État vous respecte, soit vous êtes islamiste, on vous respecte à cause de votre appartenance religieuse. Mais en tant qu'individu, avoir cette confiance en soi, moi j'appartiens à cette ville et j'interviens pour que la ville ne change pas. Ou alors pour qu'on change cette ville de telle manière et pas de l'autre manière. Tout ça, c'est très nouveau pour la Turquie, pour les citoyens ordinaires turcs. Donc je pense que ça va donner lieu à des grands changements à long terme. J'ai beaucoup d'espoir. Raghib Duran. Je crois que le futur de la Turquie est dans Gezi parce que ces gens-là sont actuellement donc entre 15 et 25 ans. Dans 10 ans, ces gens-là seront dans des postes beaucoup plus importants, soit dans le secteur privé, dans le secteur public. Il y avait également des lycéens dans Gezi. Eux, ils seront dans 10 ans, donc peut-être à l'université ou bien un peu plus. Donc, la future génération, même s'ils gardent, j'allais dire, 20% de cet esprit de Gezi, à mon avis, peuvent faire changer beaucoup de choses en Turquie. Il y a également le risque de devenir des babacools comme les 68 heures en France. Cela peut également se réaliser, mais il y aura, je ne sais pas si, toujours modeste, si 20% des gens gardent encore 20% de l'esprit de Gezi, c'est déjà quelque chose de très bon dans une société si conservatrice, dans une société si religieuse. Cette montée, cette apparition est, à mon avis, quelque chose, pas d'inattendu, mais quelque chose de très important, parce que probablement on va comprendre l'importance de Gezi plus tard. Et Gezi n'est pas seulement ces au maximum 10 000, 15 000 personnes qui ont été pendant 11 jours, je crois, sur la place de Gezi. Ça a eu des effets au niveau de tout le pays. Ça peut entrer dans les veines les plus petits, les plus étroits. C'est une mentalité. Je crois que ce qui peut mettre fin à la domination de ce parti réactionnaire religieux, ça peut être uniquement cet esprit de Gezi, mais c'est un état d'âme, je crois, qui est, à mon avis, très positif. Merci à Bouquet Turkmen, Nora Cheni, Jean-François Pérouse, Cengiz Aktar, Edem Eldem et Ragib Duran. Occuper le parc Gezi, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Renaud Dalmar. Prise de son, Alain Joubert. Mixage, Manuel Couturier. Demain, nous continuons cette série consacrée à l'Empire ottoman dans la Fabrique de l'Histoire. Si vous voulez écouter ou réécouter toutes les émissions de la Fabrique de l'Histoire, et en particulier celle-ci, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez les écouter dans les 3 années qui suivent leur diffusion, les télécharger dans l'année qui suit, laisser vos commentaires sur nos pages, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.